te souviens-tu de ce temps? Ding dong, ding dong. Tu étais prince charmant. Ding dong, ding dong. Poupée, ballon et chocolat. Je regardais, ding dong, ding dong. Poupée, ballon et chocolat. Toi et moi, on s'aimait déjà. Caramel et sabre de bois. Trois petits tours et voilà. Poupée, ballon et chocolat. Jamais quitté, ding dong, ding dong. Et nous voilà fiancés.